Ici, Yvan Ponton, vous avez un problème? N'oubliez pas, ils ont un podcast. Antoine Vézina. Salut Fred. Salut Antoine. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais. Martin Bolli. Salut Fred, comment ça va? Ça va toi? Ben oui, ça va. Puis toi Antoine, ça va bien? Ouais, ça va bien toi? Ah oui, ça va super bien. Et Mathieu Bourin. Don't you ever stop rocking my world. Oh ouais. Hey. Ça me fait plaisir depuis qu'on s'est mariés. Et ouais. Mathieu Bouillon. Je me suis encore trompé. Bourrin, là. Alors, hey, tu l'avais-tu ri, celle-là? Je pense que c'était au 12e podcast. Hey, je riais, là. Mais tu sais, je pense que c'est arrivé de nulle part. Mathieu Bourrin. Ouais. Bouillon et Durant. Ça m'a suivi. Ça m'a suivi. Hein? Et c'est quoi, pas de problème, hein? Pas de problème. C'est difficile à qualifier parce que c'est un tout qui est tellement parfait. Mais c'est écrit sur le t-shirt à Antoine. Qu'est-ce que c'est? Pas de problème. Okay. Un service offert gratuit à toute personne qui désire recevoir des solutions à un problème donné, que ce soit personnel ou le problème d'un ami, entre guillemets. Wow! Oui, mais regarde, vire-toi de bord, Antoine. Regarde dans le dos ce qui est écrit. Balado, c'est difficile. Oui! La balado, c'est difficile. Ouais. La maladie là, qu'on pogne. C'était pour ça, une sensibilisation. Ouais. Mm. Exact. On a eu des meilleurs. Alors. c'est Diane Antoine qui met ces chandails-là. Ben ouais. Non, mais on veut. Puis le buffet, il est funné, au moins. Ah, ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas eu de buffet, hein, on va dire. Mais là, aujourd'hui, il est assez costaud, là. Qu'est-ce qu'on a dans le buffet? Lune en caramel, mel, ou en chocolat, là. Deux quartiers de bœuf, 80 moutons, autant de bonbons. J'ai bu de la rivière et j'avais encore faim. C'est quoi ça? Hey, on peut-tu faire le podcast? Okay. OK. Bon. Alors, le podcast, vous nous offrez un problème comme Jonathan. C'est Jonathan Lachance, c'est ça? Mmh. Je crois. Bob Savoie, non? Non, pas Jonathan Bob Savoie. C'est Jonathan Lachance, je crois. T'as toujours pas le problème, Martin? Ben, je l'ai plus. Je sais pas comment t'expliquer ça, là. C'est compliqué. Moi, là, pour ceux qui nous voient pas, là, qui nous écoutent, moi, j'ai un ordinateur devant moi qui sert à enregistrer. Donc, quand je veux accéder au problème, il faut que j'aille sur mon iPhone, puis Facebook pour iPhone, on va se le dire. C'est plus là. C'est pas ce que c'était. Hein? Hey, moi, je sais pas où j'ai trouvé cet ordinateur-là, mais il fait plus qu'une chose à la fois. Oh, oui, mais oui, c'est ce que je faisais avant, Frédéric, avec mon ordinateur, mais la dernière fois, on s'en rappelle en changeant ça a chié l'enregistrement. Avec Jean-François Aubé, qu'on était obligé de reprendre. Ouais. Bon, donc, je ne prends plus de chance. Je vais le lire, le problème. Jonathan Lachance. Bonjour, pas de problème. J'ai un problème gênant avec lequel j'espère... Vous pourrez m'aider. Cet hiver, je me suis habitué à porter des jeans qui, au lieu d'avoir un zipper, avaient des boutons. Dans ma grande lâcheté, j'ai réussi à trouver un moyen de les mettre sans jamais les déboutonner. Et ce, pendant des mois. Maintenant que l'été est arrivé, je me suis acheté beaucoup de jeans courtes, mais qui sont malheureusement avec zipper. J'ai passé tellement de temps à ne pas me soucier d'une fermeture éclair que maintenant j'oublie constamment de les fermer. Résultat, je me promène très souvent, à mon insu, avec la braguette baissée. De plus, je travaille dans l'industrie du divertissement pour adultes. Et je ne veux pas que mes boss pensent que je me fais plaisir plusieurs fois par jour lorsque je vais aux toilettes. Aidez-moi, Jonathan Lachance. PS, pas besoin de garder mon anonymat. Il écrit mal. Il écrit un monument. Bon, alors Jonathan, beau problème. La chance, Jonathan, la chance de travailler dans l'industrie pour adultes. Ah! En feu. Donc, Antoine? La fermeture éclair. Ben oui. Monsieur Zipper qui a inventé ça. Hein? Oui, d'abord des œillets. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe là? Je veux mon énergie d'ordinateur. Ah, c'est lui qui te l'a volé. Oui. Il me suce toute mon énergie. Gineon Sonnebank en 1913-1914, la fermeture éclair. Cette idée donc de pouvoir refermer deux bouts de tissu de façon temporaire et rapide. Peux-tu répéter l'année? Je suis curieux. Écoute, 1914, je me trompe peut-être. 1914, ok. Fermeture éclair d'ailleurs est, est une marque déposée. Ah oui? Oui, j'apprécie votre silence. Le Daily Express, anecdote, le Daily Express en 1938 a fait un sondage auprès de ses lecteurs et ont demandé, selon vous, quelle est la plus grande invention qui est arrivée avant la radio, les vaccins et le moteur à combustion, par exemple? La fermeture éclair. Vraiment? Incroyable. Pourtant. Et probablement que vous, comme moi, en ce moment, on porte la même marque. De oui, c'est éclair. Quoi cette marque-là? On retrouve souvent le même sigle. C'est YKK, ça tient pour le nom d'un japonais, Yaomi Kakao Kakao, je ne sais pas trop, qui font 7 milliards de fermetures éclair par année. Donc les compagnies achètent les fermetures éclair qui arrivent déjà toutes faites sur une bande de tissu et les apposent à leurs vêtements. Mais c'est eux qui ont la Oui, oui, ça doit être YKK. Tout le monde ici est là en train de se checker le zipper. Vous pouvez regarder, il va être marqué YKK dessus, c'est à peu près sûr. Non, moi, Antoine, c'est pas écrit ça. Écrit O-N. Mais enfin, oui. On a du YKK en arrière. J'ai 1969. YKK également. Les Chinois en font. Il y a quelques autres compagnies qui en font. Et, comme on dit en couture, mon domaine, une fermeture éclair ne fait pas le vêtement. Mais peut le défaire. Si t'as une mauvaise fermeture éclair sur un beau vêtement, ça vaut pas de la merde. Il n'y a rien de plus fâchant que la fermeture éclair qui se pète, là. Il burst la gueule. Celle-là qui passe tout douette, là. Ouais. Sur le manteau d'hiver, là. T'aurais pas laissé. Bing. Trouvez-vous que notre au cadre en même temps ressemblait au son de Price is Right quand il perd? Ah oui. Quand t'es sous un jeu, là. C'est vraiment drôle. OK, mais YKK, là, moi, j'avais peur que ce soit comme un message codé, tu sais, des Illuminati ou... C'est le nom d'un japonais, je l'ai dit tantôt. OK. Why, caca? Un peu comme les toilettes, là, c'est tout marqué crane là, dessus. Là, ça... Il y a beaucoup de crane dans la toilette, mais il y a d'autres grands joueurs comme American Standard. Oui, American Standard. Qui font de la porcelaine. Toto. Pas piquer des verres. Puis des tailles de t-shirt aussi, je pense. Exact. Ouais. Mais oui, OK, zipper, oui. Intéressant. 7 milliards de zippers, c'est du zipper, là, ça. Mm. C'est du zipper. Ouais. Ils ont le monopole. Là. Je sais pas si Zwipple pourrait les, oui, les catégoriser. Hein? Ça serait une bonne solution. Mais moi, je pense que au lieu de s'acheter, la prochaine fois, au lieu de s'acheter des nouveaux pantalons, faire raccourcir ces pantalons d'hiver. Qui ont des... Ah oui, qui ont ces boutons. Oui. Comme bon ça, idée. Tu continues avec les boutons. Moi, je pense que ça se joue là un peu les solutions. C'est-à-dire peut-être lâcher le zipper et les boutons et y aller pour le velcro. Ça, parce que même si tu l'attaches pas, si tu marches assez longtemps, ça va se coller ensemble. Et voilà, c'est probablement la plus grande invention après... La fermeture éclair. En deuxième, peut-être le velcro. C'est une assez solide invention qui n'est pas assez répandue, selon moi. Velvet... And crochet. Mais le maudit velcro, c'est vraiment c'est du velours et des crochets. Wow. Hein? Donc les crochets s'accrochent au velours. C'est trippant le velcro jusqu'à temps que tu mettes ça dans une machine à laver. Et que ça se pogne après le reste de tes vêtements. Ça les effiloche. Mais faut que tu le mettes. Faut que tu le mettes fermé. Oui, mais moi, mettons, avec mes chandails là, à velcro, là. Il y a toujours un petit bout de velcro qui réussit à aller chercher tout le petit bas puis le petit mousse. D'ailleurs, je viens te dire, là, tous tes chandails à velcro sont pas mal lettres. Arrête! C'est tellement pratique à enlever, ça, quand t'arrives chez vous. Là, tu vas tirer bien sec. La chemise à velcro. Oui, oui, oui. Non, j'en que le magasin. Il n'était pas à velcro quand je les ai eus. C'est des sous de Chip 'n Dale. J'ai fait rajouter les velcro moi-même. Mais le magazine Cro puis le fromage Velvita n'avaient pas essayé une association d'affaires avant nommée Velcro. Oui, ça a donné sa famille. Il y avait les souliers Cro aussi. Les souliers Cro, oui. Puis les Les vélos. Les vélos. Et les voilos. Les voilos. Donc, non, mais c'est ça. Mais peut-être jouer là-dedans. Sinon, le zipper, il y a toujours... justement, aujourd'hui même, j'avais la braguette baissée et, tu sais, je parlais à quelqu'un puis j'ai fait « Ah! Whoop-a-lay! » Puis je l'ai relevé. Ça arrive à tous les jours. Juste un petit whoop-a-lay, ouais. Tu la relèves. Solution possible. Moi, on va vous le dire, j'ai la solution, là. Tu vas nous le dire? Vas-y, commando, mon gars. Mm. Mais pas de bobette et je te garantis que tu n'oublieras jamais ta braguette. Bon point. Mm. Ben non, il va te sentir tout de suite. On va avoir un petit courant d'air. Oups. Mm. Il y a peut-être moyen d'inverser la fermeture éclair. Tu sais, là, on a un bouton en haut, puis on monte le zipper. C'est vrai, la gravité si pourrait jouer. Si tout d'un bout, comme ton manteau, tu n'as pas de bouton, là. Ouais. Tu as, tu sais, donc, soit que tu as les culottes détachées, ça, tu t'en aperçois. Sinon, ben, il faut que tu les fermes, il faut que tu zippes par en bas. Mais jusqu'à ça, ça cheville. Tient. C'est pas fou. Non, mais jusqu'à normal. C'est parce que c'est pour que ça ouvre, pour que ça te laisse rentrer dedans. Oui, c'est ça. Mais là, c'est attaché au nombril. Non, c'est pas attaché. Tu le dézippes par en haut. Tu sais, ton manteau. Complètement. Okay, ton manteau, c'est deux boulousses, là. C'est un tu le mets. Non, là, ouais, tu ouais, ouvres. Je vois. Mets tes pantalons. Je vois. Tu sais, t'attaches ton bouton quand même, mais tu laisses ton zipper en bas. Mais là, pour attacher tes pantalons, il faut que tu le zippes. Hmm. Mais là, je mime, là. Go, pantalon de fille avec le zip dans la fourche. Tu sais, le petit zip en arrière, là. Oui, oui. Le zip dans la fourche. Ah oui. À quelque part, ben, ça là, tient. Je disais, il n'y a personne qui fait ta fly ouverte. C'est plus difficile à ouvrir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à bord. Bonsoir. Alors, enregistrement de pas de problème, c'est presque terminé. Alors. Mais attends, il y a un peu l'air de Jésus. Quoi? Est-ce que... Ça non, excusez-moi, je suis indiscret. Le... Oh! J'ai un thumbs up! Ah oh oui! Ouais! C'est lui? C'est... Non, c'est pas lui. Ouais, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, OK. Top, top, non, c'est pas... C'est ton frère, OK. On pensait que c'était le gars de la semaine passée. Donc, on parlait de braguettes. Ou les deux petits zippers, c'est côté, je sais pas, mais peut-être revoir. Moi, tu sais, quand on avait parlé du frigo, je parlais de revoir le frigo. Peut-être revoir où on place les zippers. Chose qui se ferme tout seul. Tu sais, les petits aimants, là, ils ont sorti ça maintenant pour les screens. Oui, ben oui. Tu sais que maintenant, tu passes à travers, puis ça se recolle tout seul. Les jeans à aimants, ben oui. Jeans à aimants, tu mets ça, puis hop, ça attache tout seul. Ouais. Des James Hyman. Des James Hyman. Des James Hyman. Ouais. Ça serait pas pire. Vous rappelez-vous de chez Cobra Jeans, tu sais, qui était un détaillant de jeans dans les années 90. Oui. Eux autres, là, ils prenaient pas de chance, ils mettaient des zippers partout ces jeans. Il y en avait dans le comme bas. Le coat de Michael Jackson. Comme le coat de Michael Jackson. Tu sais, là, des zippers partout, là. Fait que, tu sais, si t'en as 100 à penser, peut-être que t'es oublieras pas aucun, tu sais. Mm. Ah non, c'est le contraire, t'en oublies un ou deux, là, tu sais. T'as la fly ouverte? Ben oui, je te sais. Je sais. C'est sûr? La caisse de l'année 96. J'en ai 100 SP. Ah ouais. Fashion. Sinon, c'est une, autre, c'est une mauvaise habitude quand même de sortir la zouise à l'air. Fait c'est à cause qu'on est pressé. Ouais. Tu sais, mettons, quand tu veux pas te ronger les ongles, tu te mets de la moutarde sur les ongles. Si tu te mets de la moutarde sur la fermeture éclair, peut-être tu vas y penser. Non, je vois pas le lien. Il faudrait relier ça avec quelque chose que tu as besoin quand tu t'habilles. Oui. Genre si, ben, si le matin tu prends souvent des toasts, ben ça, c'est ton couteau. Oui. Et après ton zipper. Oui. YK knife. Ah ouais, c'est sûr que tu y penses. Le classique, dans le temps où on avait des jeans trop serrés. Un sport. Non, avec la fourchette. La fourchette. Oui. Couché sur le lit, garder sa respiration, zipper. Et après marcher! Ouais, c'est très Trees Company. Conduire son char. Ouais. Très Trees Company. Ah Trees Company. Trees Company. D'ailleurs, sur Internet, sur Twitter, Zamac et Sébastien Bouchard nous ont proposé de ne pas mettre de sous-vêtements, comme tu as fait. Oui. Et on a Vincent Saint-Don qui nous propose de toujours traîner un petit ventilateur accroché au pantalon face à la braguette. Si tu oublies de zipper, ça va refroidir, ça va être frais, tu comprends? Oui, non, mais ça marche juste si t'as pas de boxeur, parce que sinon, le boxeur est là, il bloque le vent, lui. En plus, si t'as des boxeurs coupe-vent... Le fameux boxeur coupe-vent. Des boxeurs K-Way! Oui, les boxeurs K-Way. Tu peux mettre non, mais les jeans pour bébés, là, les bébés ont des jeans avec un élastique. Mais pourquoi on pourrait pas tout avoir ça, des jeans avec un élastique? C'est des Huggies avec les imprimés de non, jeans. Non, je parle pas dessus. Des couches. Non, non, les vrais jeans de bébé, là, c'est clairement élastique. Ma mère au chalet, Anne a des jeans de même. Mais le problème de ces maudits jeans, ça, c'est que peu importe le pubis que t'as, t'as l'air d'avoir un gros pubis bombé. Moi, j'appelle ça un pubis de professeur de musique. Pubis de professeur de musique. Bon. J'allume une étoile sur une mon gros pubis. Mais attends, de plus je travaille dans l'industrie du divertissement pour adultes, je pense qu'il y a, crise et opportunité ici. C'est quoi là. Ce divertissement pour adultes? Ben non, mais ils travaillent avec quoi? Des films de cul, je sais pas. Ils, peut-être qu'ils cotent des... peut-être qu'il travaille une valideuse loto-Québec. Peut-être qu'il est fluffeur. Hein. Bonne de là. Oui, c'est vrai. C'est ça, un fluffeur. Un fluffeuse, mais fluffeur masculin. Ou peut-être qu'il fait juste mettre des DVD dans des boîtes, là. Ouais. Ou la valideuse. Dans un arcade de jeux osés. Je le répète, mais la valideuse Loto-Québec, ça se peut aussi. Oui, là. C'est vrai, c'est l'industrie pour divertissement. Où il vend des cigarettes. Non, il vend des cigarettes, le divertissement pour adultes. Non, ça se peut. Oui, c'est beaucoup de divertissement. Plausible. Possible. Non, mais OK. Mais la crise et opportunité, là. Voyons, tu sais, tu fais... Débarquer sur un set. Mais je t'avais pas remarqué, toi! Puis là, oups! C'est ça. Ta braguette est ouverte. Mais j'aime bien l'idée d'associer son zipper. Le problème, c'est souvent pas le matin quand on s'habille. Souvent, quand on s'habille, ça fait partie du rituel, on zippe. Le problème, c'est vraiment quand on va aux toilettes. C'est là qu'on... C'est là qu'on... Danger, ben, d'après moi, oui. C'est là qu'on oublie de se rezipper parce qu'on est pressé. Fait que je pense que... D'y aller au complet. Quand on va aux toilettes, on dézippe sa fly, on enlève ses jeans, on enlève ses boxeurs, on pisse. Tout ça par terre. Ouais. Aux urinoirs publics. Et tout ça, les founes à l'air. Dans les toilettes du Zellers. Mets ça à terre. Et là, tu peux pas croire que tu vas partir des culottes à terre. C'est sûr, t'es ramène. Tu vas tomber. Tu remets tout. T'as ton petit ventilateur. Mais là, t'apprends à marcher un peu en pingouin. Ouais. Tu vas te laver les mains. C'est arrivé au cégep de Rimouski à ma sœur, en fait. Elle portait une jupe, puis elle l'avait enlevée pour faire pipi, puis elle portait des collants, puis elle s'en est rendue compte en plein centre de la cafétéria du cégep. Ouais. Qu'elle était juste en collant ou qu'elle était nounoune? Elle était juste en collant. Elle avait pas mis sa jupe. Elle avait c'est un à ce gros moment-là de que laine. Tous les autres élèves ils ont pitché du sang de porc sur la tête. Oui! Parce que c'est Rimouski? Mais non. Non. Carrie. Oh, Carrie, c'est le goaler. Le film. Révise tes classiques. Ouais, c'est un grand classique. En effet. Hey, décevant. Décevant. Non, mais je sais pas, peut-être une comptine facile à retenir et en même temps, verre d'oreille. Oui. Comme, quand t'as fini de faire pipi. Là, j'invente au fur et à mesure. Puis, tu commences au bas de ton scrotum. Non, je sais pas. Non, mais de ton quoi? Ton scrotum. Non, mais je sais pas. J'avais peur qu'ils disent ça. Zip avant de boutonner. Oui. Zip avant de boutonner. Zip avant de boutonner. Tout le monde zip avant de boutonner. Zip avant de boutonner. Juste les filles! Zip. OK, ça va. Non, oui. Mais il faut dire aussi que, tu sais, comment on dit ça, l'anagramme, ou tu sais, à l'envers, de oh, oui, piss, mais... c'est zip. Tu sais, piss, zip. Et sip. Piss et zip. Là, ça commence à ressembler à... Piss et zip. Oh! Piss et zip. Très bon, c'est ça. Mais inventer une sorte de toilette, je sais pas comment ça pourrait marcher, là, mais tu sais, un genre de moulin, que quand tu pisses, tu s'actives le moulin et ça part la toune. Zip avant de boutonner. Zip avant de boutonner. Tu sais, quand on allait à la taverne chez Normand, il y avait dans l'urinoir... Un petit ballon de soccer et tu pissais pour essayer de mettre le ballon dans le but. Et à cause qu'ils ont installé ça, il n'y a vraiment plus de pisse en dehors que dans l'urinoir. Non, mais ils ont fait des tests, même une fausse mouche. Tu mets une fausse mouche, puis il paraît que les gars pissent dans l'urinoir. Oui, mais oui, c'est logique. Oh, on a une main levée. Des questions, commentaires? Une solution de Banjo Bouchon! Tu aimerais tout simplement se mettre un tube dans l'urètre, en fait, pour tirer ses pantalons, mais quand il va aller aux toilettes, justement, il n'y a pas besoin de zipper. La hose! Plus besoin de zipper. Plus besoin de zipper. Ouais, abolir le zipper. Oh, un autre, quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Ouais, une bonne façon d'éviter le problème, c'est de mettre ou une robe ou une jupe. C'est là que Jean-Philippe Durand aurait dit un pareo. Un pareo et un sac de la maison du rôti. Oui, c'est ça. Une de ces deux blagues. Et ben, c'était Véronique. Non, c'est que des personnages mythiques aux enregistrements de Pas de problème. Mais c'est super que vous les rencontrez en vrai, faut venir. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, Véronique, quand on avait eu un problème de toilette avec toi aussi. Oui. Hein, pas Véronique Langelier. Oui. C'est elle, Véronique Langelier. Oui. Non, mais moi, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, moi, avant d'être panéliste ici, j'étais d'abord un fan de Pas de problème. J'écoutais et puis. Donc, tu dis que c'est possible à tout le monde d'un jour devenir panéliste. Oui, suffit de vous équiper de micros. De vous équiper de micros et d'un ordinateur. Amané vous appelle. Martin, ça tente de nous enregistrer. Et quand il y en a un qui lâche, bingo! Bing! T'es rendu là-dedans, puis tu t'en es jamais rendu compte. Et ils ont trouvé la bonne manière de te faire enregistrer sans te payer. Voilà! Crise égale l'opportunité. Oui. Voilà. Non, mais fait, enchanté. C'est fantastique. Vous, est-ce que vous êtes des personnes connues en arrière de Pas de problème? Non, jamais de problème de non. Non. Le cube, non. Pas, il n'est pas là, le cube. Le cube n'est pas ici. Alors, ben, pour tout comprendre ça, on vous invite à réécouter nos autres podcasts. Mais là-dessus, messieurs, est-ce qu'on a d'autres solutions pour t'aider? Je vais pas rejeter l'idée de la jupe, là, mais si on entre dans. Parce que je pense que le problème s'applique exclusivement aux jeans. Là. Si on est pour changer de pantalon, on a une piste très, très élargie de solutions. Tenue de karaté. Tu sais, la plupart des épeurs ont un petit trou hein, au bout. Oui. La petite cloche au bout. Ding, qui te rappelle. Tout le temps de. Zip-moi. Tu sais, il y a ça. Avec une petite cloche qui dirait zip-moi, là. Ah, garde, tu t'investis si tu veux, là. Moi, je dis juste une petite cloche. Ou tes clés, le porte-clés. Ouais, les clés. Tu mets tes clés après. Mmh. Crise, petite, ouais. Opportunité. Ouais, ouais. Ou pourquoi une petite cloche, même une grosse cloche d'église, tu sais. la grosse Marie, là, comme ils l'appellent, là. Pas vrai? Ouais. C'est dur à traîner. Ding-dong-di-ling! Exact. Mais l'application iPhone, un petit rappel, là, tous les demi-heures. On voit ton. Bien zippé ton zipper. Pas fatigant. On voit ton pénis. As-tu bien barré tes pas? Ouais. T'as-tu fait ça? On voit ton pénis. La petite ficelle qu'on attache autour du doigt. Oui, puis t'apprends à parler en gesticulant beaucoup, là, donc. Hein? T'apprends à parler. Tu la main. Tu es attaché après ton sport. C'est sûr, tu lèves ta main à maner dans la journée, puis ça zippe. Ouais. Ah, c'est ça, ou la petite ficelle attachée après son pénis. Ou ton prépuce. Mais quand il voit. T'as pas le choix d'attacher après. Ah, la ficelle. C'est vrai. Faut que je remonte mon zipper. Ben oui, je suis dans ben niaiseux. Tu vois, je me suis mis une ficelle sur mon pénis. Par ça, t'avais levé ta main, puis t'as le prépuce dans la bouche. Est-ce d'inconfort de la journée? J'ai une question. Je fais des moves drôles là, Vous devriez voir ça. Voir ça au bord des passages. Et non, mais des solutions encore, messieurs? Oui, t'en as besoin. Dans ton zipper, il y a un élément de ta ceinture. Donc, ta ceinture, il faut que tu zippes pour venir. Une combine à trois, là. Ouais. Exactement, la fameuse pin à trois. Je vais suivre, faire du chemin sur ton idée, Antoine. Se poser un aimant très, très puissant sur sa boucle de ceinture et s'arranger pour attirer juste le... Le bout. Oui, le petit bout, là, que le reste du zipper ne soit pas en métal, sinon ça va te ramener la fourche tout le temps dans le nombril. Par contre, ça implique que, mettons, qu'on faisait ça, tu sais, nous, tous les jeudis, on se met de la pyrite de fer sur le pénis. Oui, oui. Il ne faudrait plus faire ça. Non, il faudrait changer la pyrite de fer pour un métaux qui serait pas... L'or des fours. Ouais, l'or des fours. On irait plus avec de l'aluminium à ce moment-là. Ouais. Alka. Oui. Absolument. Je pense qu'il faut passer aux solutions préférées, là, parce que... Non, Véronique! Tu fais un piercing dans le mamelon, puis tu le relis par une chaîne jusqu'à ton zipper. Ah! Quand il est baissé, ben ça te fait mal. Ah! Très bon! Quand tu vas aux toilettes, ça va... Vite, je mets des pages à pincer, puis si ça fait bien trop mal. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai pas... Oui. Pantalon H&M, ouais, c'est ça son problème. En fait, il est habitué au bouton, puis là, il est retourné au zipper. Il oublie tout le temps le zipper. Il oublie. Des posters de zipper partout, tu sais, dans sa maison. Oui, la mascotte, là, vous vous rappelez de ça? Zip. T'sais, ben oui, le magazine Zip. Le magazine Zip, là, les samedis, là, c'était Zip. C'était Zip bon. Magazine, ben oui, c'était un gros Zip. Dans le temps de Lison, là, ça s'appelait Lison. Oui, aussi, un bébé, il est prêt à le nommer. Hey, faut pas j'oublie de monter mon zipper. Ouais! Tous les matins. Bon, peut-être un bébé, journée. C'est exagéré, mais un chien. Oui. Ouais. Un poisson. Viens messieurs, ici, vous aviez... je vais faire mon geek de pas de problème, mais dans l'épisode où il disait « Comment ne pas oublier mon lunch ouais. », vous aviez proposé « Appelle ton enfant lunch oui. », le chien ah. lunch. « Hey, bonne journée lunch. Hey, » C'est vrai, faut pas que j'oublie d'année. Mais oui, mais notre but, c'est pas de toujours trouver des nouvelles solutions, c'est de trouver des solutions pour ce problème. Oui, je le sais, mais je suis si sûr que groupe, les geeks de pas de problème vont être contents d'entendre ça. Et vous êtes combien exactement? Ben, on est trois, on est ici. Là. Hey! Véro, Bouchon. Ben, ça, c'est donc. Il y a le frère de Véronique qui est là, qui ouais. fait garder son. Qui a tapé son enfant au plafond. Ouais. Il y a Benjamin Dubé aussi. Oui, Benjamin, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ici. Il était là la semaine passée. Il y a des gens qui sont venus de Québec. Oui, eux, ils étaient là. Québec! Ouais. Il était hey. Fun. Hein? Revenez, hein? Revenez nous voir. Est-ce qu'on serait rendu aux solutions préférées? Absolument. Oui, on est rendu là, on est rendu là. Moi, ma solution préférée, c'est pas tant une solution qu'un son mais auquel vous devez participer. Pom, pom, pom, pom. Pour vrai, c'est une belle trouvaille là, qu'on peut qu'elle fasse. C'est... Oui, mais ça n'a rien à voir avec le problème. Okay, ouais, plus ben, que magique. Ça veut sortir son pénis, ouais. Oui, ben Antoine, vas-y, t'avais l'air de l'avoir, toi. Oui, bien sûr, ben tu... non, j'en ai pas. Moi, j'en ai deux. J'ai deux mm-hmm. solutions préférées. J'ai le mamelon à attacher ouais. après. Ouais. Bravo, Bravo Véronique. Le ouais. zipper qui te tire constamment le mamelon. Et j'avais l'autre solution qui était... Moi, j'aime bien les pisser les culottes à terre, là. Je trouve oui, que, enlever complètement ses pantalons. Ouais, c'est ouais. ça. Faut juste pas t'habituer à ça. Non, enlever complètement. Moi, je n'ai pas juste les culottes à terre, là, t'es enlèves complètement. Sur l'épaule. T'es enlèves, là, tu mets ça après le petit crochet sur la porte. Non, sur l'épaule, tu sais. À l'urinoir, ouais. Excusez-moi, ouais, je vais pisser, je suis pressé. T'as ça sur l'épaule. Tu commences dans le couloir. Ouais, Newfound, ok, ouais. Ouais. Intéressant, ouais, ouais, non. Puis là, c'est sûr que c'est pas le choix, tu te rhabilles au complet. Puis quand tu t'habilles, tu le zippes ton zipper, là. Mais quoi que les pantalons à velcro de Chip and Dale, là, tu vas voir toi. Tu t'arraches ça d'une shot. Ils sont toujours zippés. Ils restent zippés en avant. Ils restent zippés en avant. T'as du velcro après, sur le side. T'es toi, t'es. Ouais. Antoine, solution ah. préférée? Oui, moi, j'aime bien l'idée de l'aimant. Ouais. Mais j'ai une autre idée. Admettons, là, parce que là, j'aurais envie de le mimer, mais je pourrais pas vous le mimer là, parce qu'il faudrait que je me lève et on m'entendrait plus dans le micro. Mais imaginez que tout le pourtour de la fourche serait velcroté. Ah. Et que t'as juste besoin de... lever cette petite porte-là pour ouais, ouais, j'avoue. Pisser. Ça pourrait être pas pire. Le velcro oui. reste toujours velcro. J'ai une solution. Oui. Tu pourrais porter des bobettes en jeans. Comme ça, quand c'est ouvert, ça paraît pas. Oh! Oh! Bobettes en wow! jeans! Ma nouvelle solution oh, préférée! Bobettes en comme, jeans. Comme dans... Est-ce qu'elles ont un sport aussi? Ouais! Parce que là, ça revient... Si tu oublies ce zipper-là... C'est là. Des jeggings, là. C'est des jeggings, ouais. Ça ressemble à du jeans, mais c'est... Des c'est juste... Une culotte de jegging. C'est juste imprimé. Wow! Jegging, oui. Exact, ouais. Mais je comprends pas pourquoi il y a pas... Il n'a pas commencé à faire la même chose avec ses pantalons à zipper, c'est-à-dire de les mettre sans les zipper comme les boutons. C'est un mystère. C'est plus dur, c'est plus serré, je pense, pour ça. Mais pense à ça, Jonathan. Mais n'a pas des types, le monde est capable de sauter directement dans leurs pantalons. Là. Mais ça, c'est malade. Ouais, c'est malade, mais imagine si tu t'imposes ça. Moi, la seule manière d'enlever et de mettre mes pantalons, c'est de sauter dedans. Le flip! Le flip! Boom! Le flip! You! Hey, si vous n'avez des solutions, allez nous écrire ça sur notre toutes page toutes vos solutions, Facebook. On va les aimer. Mm. Et si vous avez des problèmes, on les veut. Oui. Facebook, Twitter, courriel, pas de problème, @gmail.com ou autre, même Google+, une fois par mois, je tombe là-dessus parce que je vais chercher d'autres choses. Mais les gens s'informent souvent, « Où est-ce que je peux acheter un T-shirt, Antoine, de pas de problème? Mr. Dress-up. » Ouais. C'est là que ça s'achète. MrDressUp.com. Oui. Bientôt, le début de la saison de la Lime. Oui! Hein? 2 et 6 octobre. Le 2 octobre, c'est le camp de recrutement. C'est-tu gratuit? Le camp des recrues. Ça sera 5$ à la porte. Oui, c'est moitié prix, je crois. Moitié prix. Et la première, saison le 6. Le 6 octobre. Oui. Fred, Martin et moi, ils jouons. Et quelques jours après, le 8 octobre, nous enregistrons encore ici même au Bar Les Passages qu'on remercie... Merci. Merci les passages. Merci. Sinon, n'oubliez pas, bien sûr, de voter pour nous sur Balado Québec et sur iTunes. 5 étoiles ou rien. Rien. Et croyez celui qui vous parle. C'est 5 étoiles ou rien. Ouais. La semaine prochaine, on ne sait pas encore quel sera le problème. Moi, j'en aurais un que j'aimerais. OK. Parfait. Okay. Oui, c'est bon. Ouais. Et si jamais vous voulez faire des dons, être gentil, parce que nous, on fait ça gratuitement. C'est un service gratuit. Mm-hmm. Mais vous pouvez aller sur l'insta.com, pas d'apostrophe, et cliquer sur le Python PayPal et nous offrir ce que vous voulez. Hein? Peut-être que ça va juste nous permettre d'acheter un fil de plus. Ouais, à ne pas vous tromper avec le Python PenPal, parce qu'on a déjà des correspondants étrangers. D'ailleurs, c'est le même endroit, l'insta.com, c'est le même endroit où vous pouvez trouver le lien pour aller chercher le T-shirt. Et bien sûr, un gros merci à notre traiteur d'aujourd'hui, qui nous a, ma foi, fourni un véritable festin. Mathieu, moi, je connaissais pas ça, ces petits mets-là. C'était incroyable, c'est un tartare de May West. OK. Or, c'est tout ça? Oui. C'est tout, ils ont pris des J'aurais juré qu'il y avait d'autres choses. On a déterré l'actrice. Puis ils en ont fait un tartare, ouais. Mais t'as aussi vu peut-être le ceviche de poitrine de poulet. C'est ça qu'il y avait dans le fond. OK, oui. Ouais. Ah, c'est délicieux. C'est un 4x4 de chez Saint-Hubert, ceviche. Merci beaucoup à celui qui nous a fourni ça. Et on vous invite, on fait un shout-out à nos amis, nos broadcasts, les balado-diffuseurs qui font aussi d'autres podcasts. Donc, allez voir ça sur baladoquebec.ca. Il y en a d'autres. Vous allez voir, on est vraiment bon. Sauf oui, parce que c'est nous les premiers sur Balado Québec. Sauf Christiane Charette, on veut pas voir ta face ici. Reste chez Roger. Elle fait plus d'émission reste depuis. Chez Roger. Mais oui, tape-toi sur une fille déjà à terre. Là. N'en fait plus de podcast. Vieille, maudite, vieille déplaisante. Bon. Depuis que tu l'as traité de pute, Il l'a traité de pute. Je mets au défi les geeks de trouver l'épisode où il traite de la pute. Putréfié. Putréfié. Putréfié. Ça, c'est loin. Putréfié. Ouais. Bon. Mathieu, dis donc le mot de la fin là, pour terminer ça. Vous avez un problème, nous avons un podcast.